et ailleurs. Eh mais qu'est-ce qui se passe dans ta stéréo? C'est Little Fab, Dragon Baby, Daddy Mori, moi-même Jackie, la voix du ghetto. T'entends pas au croisé, nous agazagazo. Tout se passe calmement. Eh, c'est pour l'opération mission, je suis ici. Eh, qu'est-ce qu'on dit? Certains disent qu'ils sont wicked, mais en fait ce sont des faux corps. Je prends les micros et avec plaisir je les machope. J'ai pas de temps à perdre, c'est pour ça que je galope. Le reggae c'est ma musique et je respecte le hip-hop. Certains disent qu'ils sont wicked, mais en fait ils me font galerie. Ils sont remplis de style qu'ils ont pétard aux Yankees. Certains sont baba ou ils se prennent pour des yardies. Certains sont Batman, le jour ils drapent Queen Abby. Certains se déçoivent sa man et se sont déduits. Les bobo man les boules ainsi que tous mes amis. Je médite souvent sous l'emprise de ma sensi. Je suis un rastaman qui vit dans Babylon City. La musique c'est mon métier et rock à mon film c'est ma vie. Certains disent que je suis fou quand dis que je prie c'est la scie. Je fume mon talent, je me tourne vers Chachamani. Écoute ça style, moi je viens pas pour Paris. La devise regroupe et la masse. On se divise menacés, les frères sont les dans la base. Je n'en parle en dégâts de paradise. Sur un corps reggae beat, on les faille à bonne en face. La devise regroupe et la masse. On se divise menacés, les frères sont les dans la base. Je n'en parle en dégâts de paradise. Sur un corps reggae beat, on les faille à bonne en face. Mon sweet ja, en plus j'excelle sans fumer de 106 milliards. J'suis pas bounty, mais comme lui j'suis un killa. Bonne tonne comme Boudjou, y'en a pas de comme moi. Appelle-moi professeur, bienvenue dans mon école. Manchette dans la bouche au premier qui fait le mariole. Que des gladiateurs, pas de gars qui font les gogoles. Toujours des bonnes paroles pour mes lascars des sous-sols. Avec moi pas de chichi toute la nuit. Des bonnes vibes et puis des belles mélodies. Je sais que t'apprécies mon récit sans souci. Rimeur à gage qui peut contester ceci. Jacques qui vient chanter, j'tabasse les tempos. J'fume le riddim et tu ramasses les mégots. Athlète lyrical, on m'appelle voix du ghetto. J'éclate ta sono. Un coup de patate dans le micro. La devise regroupe et la masse. On se divise menacé, les frères sont les dans la base. Je n'en parle en des ghetto paradise. Sur un corps reggae beat, on les faille à bonne en face. La devise regroupe et la masse. On se divise menacé, les frères sont les dans la base. Je n'en parle en des ghetto paradise. Sur un corps reggae beat, on les faille à bonne en face. Décibel sur 10 000 volts. Dans les softs du shitstem, producteur de jeunes désinvoltes comme des fruits pour égalbaudés. On est tous rodés dans leurs blocs échafaudés. Pas poussés. Décibel sur 10 000 volts. Dans les softs du shitstem, concepteur de jeunes en révolte comme des fruits pour égalbaudés. Lyrics matière brute sans gants ni langage codé. Il faudrait le pisse comme bouée pour se mouiller. Sans se noyer en eau trouble, outre les mailles des filets. En lettres capitales, rusées matière grise, à l'instar de leur matière fécale. Fin de siècle ou nouveau cycle, leur pronostic double ou quitte. Tout finir en geôle sous clé. Futur en perspective. Dans sa camisole respective, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas WAM qu'il s'approprie. Si je laisse des plumes ou que j'en sorte en charpie, tant pis. Sur ces rimes, non, les plaisirs, y'a pas de boycott comme sur leur bœuf à l'anglais. Yes. On est chargé plein pot, le mort autant. L'animalerie dans le propos, pas de peau, c'est du lyrics version what dans le rectum. C'est sous-signé Little Fab comme post. La devise regroupe et la masse. On se divise menacé, les frères sont les dans la base. Je n'en parle en des ghetto paradise. Sur un corps reggae beat, on les faille à bonne en face. La devise regroupe et la masse. On se divise menacé, les frères sont les dans la base. Je n'en parle en des ghetto paradise. Sur un corps reggae beat, on les faille à bonne en face. J'ai incarné un DJ ragamuffin hors norme. La rime quitte comme on t'assomme comme un gun ou un gomme. Je veux aller de l'avant mais ça empire man. Des envies tout brûlées comme Capleton. Je me fais DJ pyromane. Sous la métamorphose à l'instant ce que je compose. J'arrose de concurrence décompose face au son de Kai qui ose. Mais dit le gang, c'est comme des cachettes vocales. En tandem ça donne un racaille sur un push lyrical. Gangsta gang jaman que le rastaman respecte. Dans ce bis plein de terrain spec. Lundi qu'on détecte son Kai, dans le système on déconnecte. Sur un corps reggae beat, le cul de Babylone en botte. Oh, son Kai au parlant des ghetto paradise. Qui se dévise, la devise, regrouper la mara race. Regrouper nos hommes quand on fait qu'on nous chasse. Mais ils sont les dans les bis qu'ils ont.